Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore ce matin l'étude du livre de la Révélation ou de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 18 et nous allons voir ce matin la destruction ou la fin de la grande ville Babylone. Notre Père du ciel, tu es notre seule espérance. Tu es le sujet de notre paix. Tu es celui qui nous donne de la joie quand on regarde vers l'avenir. Les hommes regardent vers l'avenir, des fois ils sont très sombres parce qu'ils regardent seulement au niveau humain. Mais quand nous regardons à toi et à ton plan et à l'avenir que tu as pour ceux qui t'aiment et qui t'adorent, c'est merveilleux, c'est resplendissant, c'est glorifiant pour toi. Conduis-nous encore une fois par la main et montre-nous ce que tu vas faire avec la grande Babylone, la mère de tous les débauches, celle qui s'attaquait constamment à toi et à ton peuple. Conduis-nous par ton esprit et qu'il puisse nous éclairer pendant que nous lisons et méditons ce merveilleux chapitre. Au nom de Jésus. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous avons vu la dernière fois que la colère de Dieu s'était manifestée dans le monde avec les sept coupes. Et le monde était devenu un chaos total après ces sept coupes-là. Et on a vu ensuite la destruction de la grande prostituée, qu'on avait identifié ou que j'avais identifié personnellement, l'Église catholique qui est non pas seulement une organisation religieuse, mais une organisation politique et religieuse, celle qui représente, je crois le mieux, la statue de Daniel, les pieds de fer ou d'airain et d'argile. Il n'y a pas de mouvement religieux dans le monde qui a un impact aussi fort politiquement parlant. Mais c'est correct si on n'est pas d'accord avec cela. Mais on est tous d'accord que Jésus, dans le chapitre 17, où qui était appelé à ce moment-là l'agneau, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, c'est lui qui va vaincre la grande prostituée. Et Dieu va faire détruire la grande prostituée par ses propres adorateurs, si je peux dire comme cela. On a vu ensemble qu'il va mettre dans leur cœur de détruire, d'anéantir la grande prostituée. Donc, ceux qui l'ont utilisée, ceux qui l'ont servie, vont finalement se tourner contre elle et la détruire. Et ce matin, nous allons voir la fin de la grande Babylone. Selon moi, c'est la même chose. La grande prostituée, c'est le côté spirituel, et la grande Babylone, c'est le côté politique. Mais les deux vont ensemble, ils sont jumelés pour un temps, pour arriver à leur fin de contrôler le monde et d'aller contre Dieu. Un jour, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait été, dont j'avais reçu le nom, et il voulait que j'aille le voir, parce que cet homme-là vivait dans un petit camp, petite roulotte tout petite, sans électricité, avec le système électrique de l'hydro. Il y avait une petite éolienne qui produisait un petit peu d'électricité, mais il vivait très, très, très simplement dans ce petit roulotte-là. Et on m'avait dit qu'il lisait la Bible et qu'il influençait à lire les gens à lire la Bible. Donc, je suis allé voir pour parler avec lui, pour me rendre compte que finalement, il encourageait les gens à faire comme lui et à sortir de la grande Babylone, à sortir des villes qui étaient l'amoncellement de péchés et d'aller vivre en campagne comme lui, de se retirer loin du péché des grandes villes et de fuir la grande Babylone, qui étaient les grandes villes, et de vivre dans la campagne isolée, loin du péché. Et vous allez voir, là, il m'a emmené le chapitre 19 de l'Apocalypse. Et vous allez voir comment il est venu à prendre cette décision-là, qui, selon moi, était fausse, bien entendu. Nous allons lire, si vous voulez bien, le chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donne-lui le tourment et le deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en règne, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une heure est venu son jugement. Et les marchands de la terre pleurent, ils sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Le fruit que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront, ils seront dans le deuil, ils diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils criaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer, en disant, ici sera précipité avec violence, Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, et toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et alors, vous avez certainement compris en lisant, vous avez fait le lien avec ce que je viens de vous conter comme histoire au verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Donc cet homme croyait qu'en sortant des grandes villes et en restant dans les campagnes et en vivant simplement, on éviterait la destruction de la grande Babylone. Mais vous savez comme moi que c'est pas ça que ça veut dire. La grande Babylone ici est présentée comme une ville qui était assise, comme on a vu la dernière fois, sur sept collines. Rome est bâtie sur sept collines. Si vous allez un jour, si vous regardez aujourd'hui par Google, Google Maps, vous allez probablement voir Rome et les alentours, le Vatican, est bâti sur sept collines. Il dit que cette grande ville est le repaire, au verset 2, le repaire des démons, le repaire de tout esprit impur. Et il dit que, au verset 3, que c'est un lieu de débauche spirituelle. Et pourquoi qu'ils ont une telle grande débauche? C'est parce qu'ils ont mélangé la religion avec le capitalisme, avec l'économie, avec l'argent, et on voulait utiliser les choses religieuses pour faire de l'argent. Combien de fois dans ma vie, et si vous lisez l'histoire de l'Église, on a voulu utiliser les dieux, et même le vrai Dieu, des fois, afin de favoriser l'économie et notre propre prospérité. Périté. Et c'est faux. Ce n'est pas biblique. Surtout pas de la Nouvelle Alliance. Allez pas chercher David et Salomon comme exemple. Ils sont riches, donc nous aussi on peut être riches. Faux. Mauvais. Ce n'est pas ça que ça parle. Ici, on parle de cette grande ville, de cette sur laquelle est assise la grande prostituée, où la grande prostituée a fait alliance avec cette grande ville-là. Et il dit que c'est une place, c'est un repaire de démons, c'est un lieu de débauche, et cette femme prostituée, cette ville Babylone, a fait des alliances avec tous les rois de la terre. Et les rois de la terre, pour avoir des liens avec elle économiques, ils ont dû faire des concessions religieuses. Et donc, ils se sont mélangés, comme Daniel dit dans son histoire de la statue, ils se sont mélangés et ils vont arriver à leur fin pour un temps. Et ils se sont enrichis des rois de la terre aux dépens de la grande Babylone. Et si vous regardez, une fois que je faisais des recherches sur certaines grandes sociétés économiques, certaines grandes sociétés dans notre Québec, et je me suis aperçu que derrière cela, les propriétaires de ces grandes entreprises-là, c'était des organismes religieux. Ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris de voir ça. Moi, je pensais que c'était des laïcs comme nous autres, des citoyens ordinaires, mais derrière tout ça, il y avait des organismes religieux. Et si vous regardez, les grands mouvements religieux à travers la Terre sont toujours amalgamés avec le côté politique. Ils sont toujours en train de vouloir utiliser l'argent qu'ils ont, parce qu'ils font beaucoup d'argent, l'utiliser pour acheter toutes sortes de choses. J'avais entendu certains mouvements religieux, des grands leaders religieux aux États-Unis qui possédaient toutes sortes d'usines, des hôpitaux, des immeubles, de l'immobilier. Et les églises sont très riches. On a fait alliance avec la grande prostituée. On a fait alliance avec la grande Babylone. pour s'enrichir à ses dépens. Donc, vu qu'elle était riche, vu qu'elle achetait beaucoup, les rois de la terre ont fait alliance avec elle pour pouvoir exploiter certaines richesses dans certains pays. Ils ont fait alliance avec elle parce qu'elle possédait toutes ces choses-là. Et là, le verset 4 donne l'avertissement. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous ne soyez point, n'ayez point part à ses fléaux. Donc ici, Jean ou Dieu appelle les sept églises qui sont là de sortir du milieu d'elle, de ne pas faire alliance avec elle, de ne pas s'affilier avec elle. Parce que s'ils font s'affilie avec elle, s'il reste avec elle, il va avoir part au fléau. Donc, il dit, sépare-toi d'elle, cette grande prostituée, cette grande Babylone. Ne tombe pas dans le piège de vouloir t'enrichir à ses dépens. Et je crois personnellement qu'aujourd'hui, tellement de mouvements religieux qu'on appelle des mouvements de la prospérité et de la santé, qui veulent attirer des adeptes en leur disant que Dieu va prendre soin d'eux, en leur disant que Dieu va leur donner la santé. Viens, on va prier pour toi. Viens, on va t'imposer les mains pour toi. Viens, on va prier afin que ta business fonctionne bien. Que tes entreprises soient fructueuses. Il essaie de gagner des adeptes en leur disant, en leur enseignant que les dieux ou les dieux vont aider ces gens-là à devenir prospères et en santé. C'est faux. C'est mal. Ce n'est pas biblique. Facile à voir, hein, quand regardez les actes des apôtres, vous allez voir que les chrétiens, si ça avait été vrai, les chrétiens auraient été dans une génération des gens riches et célèbres. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Dieu va emmener plein de fléaux sur elle et sur tous ceux qui font alliance avec elle. Il dit au verset 5, « Car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel. » Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Il dit, « Je vais lui faire payer au double tout le mal qu'elle a fait. » Je crois pas qu'il faut faire des mathématiques, c'est trop précise, là. Je crois que Dieu est en train de dire qu'il va la faire souffrir beaucoup plus. Qu'est-ce qu'elle a pu en tirer? Le vieux dicton, buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Tu peux en avoir du plaisir ici-bas, mais tu vas payer pour l'éternité. Cette prostituée, cette grande ville, va subir les fléaux, la colère de Dieu, va subir la mort, le deuil, la famine. Elle va être consumée par le feu. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et quand nous regardons à partir du verset 9, la réaction des gens qui voient cela arriver, les gens de la terre, de toutes les nations, qui voient la grande ville se faire détruire, subir la colère de Dieu, subir les fléaux de Dieu, se faire détruire par la grande la bête. On a vu ça dans le chapitre 17. Hein? Dieu a mis dans le cœur de la bête et de tous les gens de la terre de détruire la grande Babylone. Et là, il dit au verset, à partir du verset 9, il dit que les marchands, les grandes sociétés, les dirigeants d'organismes, de sociétés, de pays sont tristes. Parce que maintenant, ils ne savent le plus qui va acheter leurs marchandises. Ils sont tristes, mais c'est des larmes de crocodile, hein? Ils sont tristes. Non pas parce que des gens qui meurent, non pas parce que des gens qui sont détruits, non pas parce que des gens qui vont aller en enfer, qui sont en train de subir la colère de Dieu. Ils sont tristes parce qu'ils n'ont plus le moyen de faire de l'argent comme avant. Parce que leur Dieu, c'est Mammon. Ils vont dire à plusieurs reprises, Mala, Mala, Mala, Mala, Mala, la grande ville est détruite. Qui va acheter notre marchandise? Qui va acheter notre or, nos perles, notre fin lin, notre soie, notre bois précieux, notre airain, notre fer? Qui? Je me demandais un jour, je me demandais à mes parents, va avoir 13, 14 ans dans le temps, 15 ans. Pour la première fois, j'étais surpris par la richesse de l'Église catholique dans mon petit village à moi. J'avais remarqué que dans la ville d'Arthabasca, où j'étais né, la plus grosse maison, ou du moins une des plus grosses maisons, c'était le presbytère. C'est là qu'on y voyait beaucoup de richesses, on y voyait, pour la moyenne des gens, la moyenne des cultivateurs, la moyenne des gens de la ville d'Arthabasca était bien en dessous de cela. Et l'opulence que l'église dans laquelle elle était, on rentrait là, c'était de l'or, tout était précieux, tout était beau, tout était fantastique, ça va coûter une fortune bâtir cela. Je regardais les gens alentour, les pauvres petits paroissiens, en général, quelques exceptions bien entendu, mais en général, vivaient dans la pauvreté. Dans ben bas, ben dans la moyenne, puis en bas de la moyenne. Je voyais mes propres parents qui n'avaient pas d'automobile, qui étaient. On souffrait pas, là, on ne souffrait pas de faim. Mais on était des gens qui, avec 15 ans, 13 enfants, 15 avec mes parents, on n'emmenait pas large. Hein. On se promenait plus souvent nu-pieds que d'autres choses. Hein. Mais pourtant, l'Église était dans l'opulence. Puis l'Église prêchait, puis disait que si on était des bons chrétiens, des bons catholiques, si on pratiquait la religion comme il faut, puis si on confessait les péchés, puis si on priait comme il faut, on pourrait devenir riche, que Dieu bénirait nos récoltes, etc., etc. Les rois de la terre, les marchands de la terre se lamentent parce que plus personne pour acheter leurs marchandises. Donc, cette grande prostituée-là et cette grande Babylone-là mélangent religion et richesse. Ils veulent être prospères. Ils utilisent la religion pour prospérer. La bête qui est sortie de la Bible a utilisé la religion pour amener les gens à prospérer et se faire adorer par ce monde-là. Mais au verset 20, pendant ce que le monde se lamente, pendant ce que le fléau de Dieu tombe sur la terre et détruise la grande Babylone, pendant que tous les marchands et les dirigeants et les gens riches et les gens célèbres, et les gens qui se lamentent sur la perte de gain qu'ils voient, au verset 20, ciel, réjouis-toi sur elle. Pleure pas! Ciel, ne pleure pas! Ciel, ne te lamente pas! Réjouis-toi, ciel! Réjouis-toi! En regardant cela. Sois dans l'allégresse! Car ton Dieu est vrai, ton Dieu est puissant, ton Dieu est véridique. Ce qu'il a dit, il le fait. Il avait dit qu'il détruirait la grande Babylone. Il avait dit qu'il détruirait la prostituée. Il avait dit qu'il vengerait le sang des saints au chapitre 6. Mais il l'a fait. Réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, et vous les apôtres, et vous les prophètes, réjouissez-vous aussi avec le ciel. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Je ne peux pas faire autrement ici que de me rappeler les paroles de Jésus quand il a raconté l'histoire de la veuve et du juge unique. Il dit, après avoir donné cet enseignement ou cette histoire-là, je vous ferai promptement justice. Gardez la foi, persévérer dans la prière. Même si vous êtes en train, parce que le contexte de du juge unique, c'est pas un contexte de char, c'est pas un contexte de maison, c'est un contexte de la fin des temps. Il dit, il y a un jour, il y a des jours que vous allez venir, vous allez désirer voir le jour du Fils de l'homme, mais vous ne verrez pas, mais persévérez dans la foi. Ça veut dire, persévérer dans la prière veut dire persévérer dans la foi. C'est pour dire qu'il dit à la fin de l'histoire, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, va-t-il trouver de la foi? Mais il va faire justice à ceux qui ont la foi, à ceux qui ont gardé la foi, à ceux qui sont restés attachés à lui. Il dit, je vais vous faire promptement justice. Et ici, il le dit, je vous ai fait justice. Donc, pendant que le ciel, la terre se lamente, pendant que la fumée, le feu et tout ce que tu voulais sur la terre, c'est le chaos total, l'ange invite Jean et le ciel et les croyants à se réjouir. Car Dieu lui a fait justice. En jugeant la grande Babylone et en la détruisant. Et là, au verset 21, alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer. Et vous savez comme moi, si vous jetez une meule dans la mer, ça prend une fraction de seconde et vous la voyez plus. Ça flotte pas par une secousse comme une balle de foin. Ou ben non, comme du styrofoam, ou ben non, comme une bouteille. Ça cale instantanément. Il dit, ainsi sera précipité avec violence Babylone la Grande, et on ne la retrouvera plus. Donc, il est en train de dire que la destruction de Babylone va se faire promptement, vite. C'est ce que disait Marc, c'est marqué tout à l'heure, on a vu, en une heure, tout a été détruit. Ça parle d'un laps de temps très court. Dieu va se venger. Dieu va se venger de la colère du monde contre lui. Dieu va se venger de toute cette indifférence, de toute cette insolence, de toute cette rébellion, de toute cette idolâtrie, de toutes ces blasphèmes que les hommes ont fait contre lui. Il nous appelle à nous réjouir. Et là, on dit au verset 22 et 23, c'est terminé, on n'entendra plus jamais chez toi. C'est fini, c'est la fin de la grande Babylone. Elle ne reviendra plus. Il dit, on ne trouvera rien chez toi, ni lumière, ni époux, ni chant, ni musique. C'est fini éternellement. C'est fini. Parce qu'il dit, car les marchands étaient les grands de la terre et toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Tu vas payer pour ta sorcellerie. Tu vas payer pour ton idolâtrie. Tu vas payer pour ta débauche. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait de mal contre moi et à mon peuple et à mes prophètes, à mes saints, à mes enfants. Il dit au verset 24, et on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints, de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Si on regarde dans l'histoire, les chrétiens sont morts par millions. J'ai lu un livre qui parlait d'une cinquantaine de millions de chrétiens qui seraient morts à travers l'histoire, à partir de Jésus, tués par des mouvements religieux. Là, je parle de chrétiens qui professaient Christ. On les fait mourir. Mais un jour, ils vont payer pour cela. Ils vont payer pour avoir rejeté Dieu. Ils vont payer pour avoir fait mourir Jésus-Christ sur la croix. Ils vont payer pour tous les croyants de tous les temps qui sont morts, persécutés par les gens religieux ou par les mouvements politiques ou tout ce que vous voulez. Un jour, ils vont payer. Encore une fois, frères et sœurs, nous gardons le même but que le restant. Donc, il dit à l'Église, ne t'associe pas avec la grande Babylone et la grande prostituée. Ne fais pas un avec elle. N'adhère pas à son enseignement. N'écoute pas ces invitations à la richesse et à la débauche. Ne fais pas de mammon ton Dieu. Reste attaché à Jésus. Reste attaché à l'évangile que tu as reçu. Accepte la souffrance et la mort, la persécution s'il le faut. Ne te détourne pas de moi. Reste avec moi. Si tu l'as fait, si tu te rends compte que tu t'es détourné de Dieu, si tu te rends compte que tu t'es tourné vers Dieu pour avoir quelque chose pour toi, pourquoi t'es-tu tourné vers Dieu? Pourquoi t'es-tu tourné vers Dieu? Est-ce que c'était pour toi? Je l'avoue. Je l'avoue, c'était pour moi. Je me suis tourné vers Dieu dans les premières années de ma vie chrétienne, c'était pour moi. On m'avait dit, tu vas aller en enfer parce que t'es méchant. Ils n'ont pas eu de misère à le croire. J'ai dit, s'il y a un enfer, je vais aller dedans. C'est vrai, je vais y aller dedans. Je ne croyais pas qu'il y en avait une. Mais s'il y en avait une, je savais que j'y allais parce que j'étais un méchant. J'étais un idolâtre, j'étais un blasphémateur, j'étais un menteur, j'étais un voleur, j'étais un usurpateur. J'étais malhonnête. Et je pourrais vous en nommer des dizaines et des dizaines d'autres péchés que j'avais dans ma vie, qui se manifestaient de milliers de façons. Il faut bien comprendre pourquoi on s'est tourné vers Dieu. Faut se tourner vers Dieu à cause de Dieu et pour Dieu. Sans cela, nous allons subir les fléaux de la grande prostituée. N'acceptons pas un évangile anthropocentrique, centré sur l'homme. N'acceptons pas un évangile qui nous est prêché, convertis-toi, crois Jésus, ça va aller mieux, puis tu vas aller au ciel, puis tu vois, Dieu va te bénir, puis tout ça. C'est pas la raison d'être de la prédication de l'évangile que je vois dans le Nouveau Testament. La prédication de l'évangile dans le Nouveau Testament, c'est détournez-vous de vos idoles. Tournez-vous vers le Dieu vivant, afin de le servir, lui seul et son Fils bien-aimé. Dieu, ce que Dieu veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. C'est toujours la même vérité. Toujours. Que Seigneur nous garde de la fausse doctrine. Notre Père du ciel, merci que tu nous as promis encore ce matin que tu vas détruire nos ennemis, que tu vas détruire ceux qui ont répandu le sang de tes saints, de tes prophètes, de tes apôtres, de tes enfants. Tu vas détruire ceux qui ont blasphémé ton nom, ceux qui ont entraîné le monde à te rejeter. Tu vas tous les détruire par ta puissance et par ta force. Garde-nous dans la vérité afin de te glorifier pour toujours et à jamais. Seigneur, quand tu appelles quelqu'un à la repentance, nous savons que toi, tu dois intervenir. On l'avoue. Agis dans le cœur de tes élus afin qu'ils se tournent vers toi pour t'adorer et te servir. Au nom de Jésus.